Chapitre 14e, le port de Marseille, embarque, embarque. Le 1er décembre 1860 et quelques, à l'heure de midi, par un soleil d'hiver provençal, un temps clair, luisant, splendide, les Marseillais effarés virent déboucher sur la Canebière un teur, oh mais un teur! Jamais ils n'en avaient vu un comme celui-là, et pourtant Dieu sait s'il en manque à Marseille des teurs. Le teur en question, ai-je besoin de vous le dire, c'était Tartarin, le grand Tartarin de Tarascon, qui s'en allait le long des quais, suivi de ses caisses d'armes, de sa pharmacie, de ses conserves, rejoindre l'embarcadère de la compagnie Touache et le paquebot Le Zouave qui devait l'emporter là-bas. L'oreille encore pleine des applaudissements tarasconnais, grisé par la lumière du ciel, l'odeur de la mer, Tartarin rayonnant, marchait, ses fusils sur l'épaule, la tête haute, regardant de tous ses yeux ce merveilleux port de Marseille qu'il voyait pour la première fois et qui l'éblouissait. Le pauvre homme croyait rêver. Il lui semblait qu'il s'appelait Sinbad le marin et qu'il errait dans une de ces villes fantastiques comme il y en a dans les mille et une nuits. C'était à perte de vue un fouillis de mâts, de bergs, se croisant dans tous les sens. Pavillons de tous les pays, russes, grecs, suédois, tunisiens, américains. Les navires au ras du quai, les beaux-prés arrivant sur la berge comme des rangées de baïonnettes, au-dessous les naïades, les déesses, les saintes vierges et autres sculptures de bois peint qui donnent le nom au vaisseau, tout cela mangé par l'eau de mer, dévoré, ruisselant, moisi. De temps en temps, entre les navires, un morceau de mer, comme une grande moire tachée d'huile. Dans l'enchevêtrement des bergs, des nuées de mouettes faisant de jolies taches sur le ciel bleu, des mousses qui sapaient dans toutes les langues. Sur le quai, au milieu des ruisseaux qui venaient des savonneries, verts, épais, noirâtres, chargés d'huile et de soude, tout un peuple de douaniers, de commissionnaires, de portefeuilles avec leurs boguets attelés de petits chevaux corses. Des magasins de confections bizarres, des baraques enfumées où les matelots faisaient leur cuisine, des marchands de pipes, des marchands de singes, de perroquets, de cordes, de toiles à voile, des bric-à-brac fantastiques où s'étalaient pêle-mêle de vieilles couleuvrines, de grosses lanternes dorées, de vieux palans, de vieilles ancres édentées, vieux cordages, vieilles poulies, vieux porte-voix, lunettes marines du temps de Jean Bart et de Duguay-Trouin. Des vendeuses de moules et de clovis accroupies et piaillant à côté de leurs coquillages. Des matelots passant avec des pots de goudron. Des marmites fumantes, de grands paniers pleins de poulpes, ils allaient laver dans l'eau blanchâtre des fontaines. Partout un encombrement prodigieux de marchandises de toute espèce. Soieries, minerais, trains de bois, saumons de plomb, draps, sucre, caroube, colza, réglisse, canne à sucre. L'Orient et l'Occident pêle-mêle. De grands tas de fromages de Hollande que les Génois teignaient en rouge avec leurs mains. Là-bas, le quai au blé, les portefaix déchargeant leurs sacs sur la berge du haut de grands échafaudages. Le blé, torrent d'or, qui roulait au milieu d'une fumée blonde. Des hommes en fez rouge, le criblant à mesure dans de grands tamis de peau d'âne, et le chargeant sur des charrettes qui s'éloignaient suivies d'un régiment de femmes et d'enfants avec des balayettes et des paniers à glanes. Plus loin, le bassin de carénage, les grands vaisseaux couchés sur le flanc et qu'on flambait avec des broussailles pour les débarrasser des herbes de la mer, les vergues trempant dans l'eau, l'odeur de la résine, le bruit assourdissant des charpentiers doublant la coque des navires avec de grandes plaques de cuivre. Parfois, entre les mâts, une éclaircie. Alors, Tartarin voyait l'entrée du port, le grand va-et-vient des navires, une frégate anglaise partant pour Malte, pimpante et bien lavée, avec des officiers en gants jaunes, ou bien un grand brick marseillais, démarrant au milieu des cris, des jurons, et à l'arrière un gros capitaine en redingote et chapeau de soie, commandant la manœuvre en provençal. Des navires qui s'en allaient en courant, toutes voiles dehors, d'autres là-bas bien loin, qui arrivaient lentement, dans le soleil comme en l'air. Et puis, tout le temps un tapage effroyable, roulement de charrettes, ouïs, les matelots, jurons, chants, sifflets de bateaux à vapeur, les tambours et les clairons du fort Saint-Jean, du fort Saint-Nicolas, les cloches de la Major, les accoules de Saint-Victor. Par là-dessus, le Mistral, qui prenait tous ces bruits, toutes ces clameurs, les roulait, les secouait, les confondait avec sa propre voix et en faisait une musique folle, sauvage, héroïque, comme la grande fanfare du voyage, fanfare qui donnait envie de partir, d'aller loin, d'avoir des ailes. c'est au son de cette belle fanfare que l'intrépide Tartarin de Tarascon s'embarqua pour le pays des lions.